بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. كون مغسس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on va reprendre un petit peu ce qu'on a pu évoquer hier. On a pu voir la première قاعدة qu'a évoqué l'imam Sa'di عليه رحمة الله. La قاعدة qui est plus connue sous le nom de الأمور بمقاصدها. وكذلك الوسائل لها أحكام المقاصد. Quel est le dalil de cette qaïda? La qaïda qu'on a pu voir hier, الأمور بمقاصدها. Les moyens qui vont te permettre d'accéder aux objectifs prendront le même jugement que ces objectifs. Quel est le dalil de cette qaïda? Le hadith ibn Umar, plutôt de Umar. Le hadith de Umar ibn Khattab رضي الله عنه متفق عليه إنما الأعمال بالنيات. Cette qaïda-là fait-elle partie des qawaïd qui souffrent d'exception ou pas? Non, c'est une qaïda qui est quoi? Qui est absolue. Hein? Une qaïda qui est absolue, qui est dite yani kulliya. Naam, ahsant. Kulliya et kadhalika. Fait-elle partie des mansousa parmi les qawaïd ou bien des mustanbata? Naam, mustanbata, car c'est pas l'énoncé du hadith, lakin ça a été déduit du hadith. Hein? Et Ibn Subuki, il a dit, rahimahullah ta'ala, que ça aurait été mieux de l'appeler par l'énoncé du hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu en disant al-amal biniyat. Naam. C'est clair que ça aurait été mieux, car la meilleure des paroles après celle d'Allah azza wa jalla, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. On a pu voir qu'à sous cette qa'ida là en découle d'autres qawa'id, ou plutôt avant cela, pourquoi le mu'allif rahimahullah ta'ala il a commencé à par l'énoncé de ces qawa'id par cette qa'ida là Y a-t-il une cause pour cela? Parce que c'est un fondement des actes. Ah. Et c'est même un fondement de la religion, comme l'ont dit les imams Shafi'i wa Ahmed, alayhim wa rahmatullah. Ils ont dit que الدين ثلاثة أصول. أو أن الدين أو هذا الحديث ثلث الدين. C'est un tiers du din. Et qu'à l'écart, on a pu voir à travers la parole d'Ibn Rajab, alayhi wa rahmatullah, que la coutume de certains des auteurs de l'islam, parmi les salafs et ceux qui les ont suivis dans le bien, s'est établie sur le fait de commencer leurs ouvrages par ce hadith-là, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, afin de tirer l'attention sur l'importance de la niya dans le din. Comme c'est le cas de l'imam al-Bukhari, il a commencé Sahih al-Bukhari par ce hadith-là. Kazalika الإمام البغوي في مصابيح السنة وشرح السنة وكذلك سيوطي في كتابه الجامع الصغير. Donc ils ont commencé ce hadith là ou plutôt leurs ouvrages par ce hadith là et hatta il a dit Ibn Rajab, je vois qu'il est préférable pour celui qui lorsqu'il veut commencer un ouvrage il commence par l'évocation et la mention de ce hadith là إنما الأعمال بالنيات, afin d'attirer l'attention sur l'importance de la niya. Hatta قال عبد الرحمن بن المهدي que ce hadith-là, il peut rentrer dans tous les chapitres. Dans tous les chapitres du din. Car tout chapitre qui va être évoqué, ce sont des actes qui vont être évoqués. Donc tout acte, comme le dit Nabi, il nécessite que tu aies une intention. Y a-t-il une différence entre niya ou al-qasd fi l'arabiya? Car les deux se disent intention en français. Lakin, dans la langue arabe, y a-t-il une différence entre les deux? Naam. Quelle est la différence entre niya ou al-qasd? Al-qasd, c'est que tu intentionnes une intention pour toi ou pour les gens. Naam. Donc c'est plus large que la niya. La niya, c'est pour toi. Tu la mets toi-même. Pour toi. Pour ton acte à toi. Donc il est plus global au niveau de il y en a pour qui tu intentionnes al-qasd. Al-niya, c'est plus global que al-qasd min al-indiya. L'employé dans la capacité et dans la capacité naam. Tu peux l'utiliser pour les choses dont tu as la capacité de faire et dont tu n'as pas la capacité de faire sur le moment, comme on a pu le voir avec le hadith de celui qui avait l'intention de œuvrer dans le mal, comme la personne à qui Allah Azzawajal l'a donné, qui était fortuné. Il dit, mais j'avais la fortune de cette personne-là, j'aurais fait ceci et cela dans le mal. Et Nabi Sassam, il a considéré cette intention-là, et il a fait, il a placé au même degré de cette personne-là dans le péché. Il a dit, Huma fi al-wizr, sawa, wa qala huwa bi niyati. Il a la même intention que cette personne-là. Donc là, c'est utilisé le terme niya pour une chose qui était dans la capacité de cette personne-là. Il n'avait pas la possibilité de faire ce qu'il avait, de faire ce qu'il pouvait plutôt faire cette personne-là, car elle n'avait pas l'argent. Donc ça, c'est la différence entre al-qasd wa al-niya. On a pu voir que sous cette qaida-là, on découlait d'autres qawaid. On découlait d'autres qawaid, comme مثلاً al-wajib ou qabla hadha afan. Lorsqu'on dit al-umur bi maqasidiha, donc tout moyen qui va te permettre d'accéder à un autre aura le même jugement que quoi? L'objectif. Est-ce que c'est tout moyen qui te permet d'accéder à cet objectif-là qui prendra le même jugement ou bien même qui est légiféré de faire? Non. Il faut, qu'est-ce qui est conditionné dans ces intermédiaires-là qui vont te permettre d'accéder à l'objectif? Qu'il soit légiféré. Au moins de degré, il faut qu'il soit autorisé. Si jamais c'est une chose qui est interdite et même détestable, c'est des choses qu'Allah Azza wa Jal il a interdit, les choses qu'il a interdit. Donc il faut que ces moyens là ils soient légiférés pour te permettre à Walan d'y accéder. Ensuite, si jamais ils t'ont permis d'y accéder, ils prendront le même jugement. Mathalan, le tawhid, c'est une chose qui est obligatoire. Afin d'y accéder, il faut apprendre. Donc le fait d'apprendre le tawhid, ça devient une chose que quoi, un intermédiaire, un moyen qui devient obligé. Pourquoi? Parce que l'objectif, il est obligatoire. Mais si jamais on prend en considération n'importe quel intermédiaire te permettant d'accéder à l'objectif, ça c'est ma'rouf, c'est la qaïda de qui sont connus pour faire ce genre de choses-là? Les juifs. Tous les moyens sont bons. Comme ils disent en arabien, al-ghaya tubarrir al-naham al-wasa'id. Tu regardes ton objectif et tu ne prends pas en considération le moyen qui va te permettre d'y accéder. Haram ou pas haram, fais-le. Tous les moyens sont bons. لكن هذا c'est une qaïda yahoudiya mal'ouna. On a pu voir kazalika que rentrer aussi sous cette qaïda là tawabi' al-a'mal, c'est à dire que le moyen qui va te permettre d'accéder à une chose, kazalika va prendre au niveau de la récompense le même titre et le même statut que la chose vers laquelle tu vas accéder, comme c'est le cas dans le jihad fi sabilillah. Tout le ta'b que tu vas prendre dans le jihad, l'angoisse, la peur, la fatigue, la soif et la khiri, comme on a pu voir à travers la ayah, ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون واضيا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. Ni comment ça peut soit, ils sont déshydratés, ils ont soif, ils ont faim, ils ont peur et l'akhirhi, sans que ceci soit compté dans le mizan hasana. Pourquoi? Parce que ce sont des moyens, des intermédiaires qui lui ont permis d'aboutir à cette grande valeur qui est al-jihad fi sabilillah. Donc toutes choses qui vont te permettre d'accéder à une recommandation ou bien à une obligation, ça va faire de ce chose-là kadalika, elle aura la même rétribution au niveau de la récompense. Au niveau de la récompense, ce sera aussi kadalika, tu seras récompensé. Et kadalika, parmi les fawaïd de cette qaïda-là, comme on a pu le voir, al-umur bi maqasidiha, c'est que ça peut rendre al-aada, une chose qui est coutumière, comme ibada. Tu peux nous citer un exemple pour cela? Comment une aada, une chose qui est ordinaire, coutumière, peut devenir une ribada? selon l'intention si elle est vouée à Allah Azza wa Jalla. Kadhalika, mathalan, celui qui dort tôt, se couche tôt pour se lever tôt, c'est-à-dire pour le fajr. Kadhalika, cette ibada, cette ada, puisque le fait de dormir, c'est une chose qui est quoi? Qui est autorisée. Est-ce que c'est obligatoire et la khiriki? C'est autorisé. Lakin, si tu le fais dans l'intention de te lever tôt pour al fajr ou pour prier qiyam al-layl, ça aura le même statut, c'est-à-dire que elle sera comptée comme une ibada et tu seras récompensé par rapport à ton intention de t'être couché pour établir et faire cette ibada. Et kadhalika, la personne maintenant qui mange afin de se fortifier pour talab al-ilm et l'akhirhi, kadhalika, elle sera récompensée. Pourquoi? Parce que cette chose qui est coutumière, le fait que tu aies intentionné une chose qui est une ibada pour atteindre une ribada, pour un objectif qui est une ribada, qu'à les cas, ça va prendre le même statut. C'est-à-dire que ce sera compté comme une ribada et tu seras récompensé. Donc, al-niya, elle est importante. Elle peut transformer une chose qui est coutumière et la rendre comme ribada. Donc, c'est une qaada qui est vraiment importante. Qui est vraiment importante. Quelle est la place de la niya? Est-elle sur la langue, sur le cœur? Non, dans le cœur. Quelle est la preuve de cela? Dans sa définition. Et quel est le cas? L'ijma'. Comme l'a dit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, l'ijma'. Que, at-talaffuz bin al-niyya, le fait de prononcer l'intention, c'est une bid'a fi d-din et khiffatun fi l'aql. Et c'est une faiblesse d'esprit. Al-niyya, elle te permet de distinguer. Ibn Rajab, on avait évoqué la parole d'Ibn Rajab par rapport à ça. Que la niyya, kadhalika, parmi ses vertus, c'est que, elle te permet de distinguer. Quelles sont ces choses-là, Yannick, qui ont été évoquées parmi les choses que tu peux distinguer par la niya? Tu vous rappelles, on avait évoqué un taqsim entre la coutume et l'ibada. Et ça, on avait appelé ces choses-là niyatul amal. Niyatul amal. L'intention de l'acte. Ce que tu intentionnes. Est-ce que c'est une coutume? Est-ce que c'est une ibada? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une recommandation? Et la khiri. Est-ce que tu es en train de te soumettre ou pas? Ou est-ce que. Donc ça s'appelle niyatul ash. Al-ibada, c'est-à-dire de niyatul amal, le fait de distinguer par ton intention l'acte que tu es en train de faire. Et la deuxième catégorie, niyatul qasd, na'am. Niyatul qasd, pour qui est voué cet acte-là? Est-il pour Allah ou pas? Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir de manière générale dans le cours d'hier. Donc, inshallah, on va procéder à une révision du matn auquel on s'exhorte, on s'enjoint de l'apprendre, car mashallah il est bien et il est simple et ça permet de ne pas oublier. قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشاء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائد مراتب الفخار يعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويسهل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جمعت الوسائل جمعت المسائل الشوارد لترك في العلم خير مرتقى وتقتفي السبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل علم قد حصلتها جزاهم المال عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر والنية شرط لسائر العمل وبها الصلاح والفساد للعمل. On a oublié d'évoquer cela, que la niya, kazalika, elle est considérée au niveau de l'acceptation du rejet de l'adoration. À partir du moment où tu es l'avoué pour Allah Azza wa Jal et qu'elle est conforme au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle sera acceptée. Car telles sont les deux conditions pour que l'acte d'adoration il soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Comme l'a dit Fudayl ibn Ayyab, cette ayah-là nous indique les conditions dans les actes, c'est-à-dire qu'elle soit vouée pour Allah Azza wa Jal et conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et kadhalika, si jamais l'intention de l'acte n'a pas été bien précisée, ça va annuler l'œuvre. Celui qui intentionne al-dhahr alors que c'est l'heure du asr, sa prière sera invalide. Donc, comme l'a dit, c'est une condition. Ah non, on a oublié quelques trucs. C'est une condition pourquoi? Pour al-amal. Quel est le sens de l'amal dedans? Lorsqu'il dit an-niyatu shartun li sa'ir al-amal, la niya c'est une condition de tous les actes. Qu'est-ce qui est voulu par ces actes-là? Al-ibadat. Naham. Et on peut rajouter aussi un truc. Al-ibadat. Al-ma'mour bil-fi'l. Comme ça, qui sont ordonnés de faire. Comme on a pu voir, tu as des a'mal qui sont ordonnés de délaisser. C'est-à-dire, tarkiya. Comme, مثلا, izalatu ash al-najasat. Le fait de que ton corps ou bien tes habits soient dépourvus de quoi? De souillure. Donc ces actes-là, كذلك qui sont des ibadat, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ceci. Qala fa'am naham wa thiyabaka fatahhir. Quant à tes vêtements, purifie-les. Que ce soit ce qui est voulu par là, كذلك c'est les vêtements directement qu'on porte, et pas forcément le cœur. Là, les vêtements, كذلك, ils se doivent d'être purifiés. Le fait de faire cela, c'est-à-dire de délaisser, de ne pas avoir de souillure sur ton vêtement. Ces choses-là ne demandent pas une intention. Ces choses-là ne demandent pas une intention. Si jamais tu le fais dans l'intention de te soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, tu seras récompensé. Si jamais tu n'intentionnes pas cela, tu le fais par répulsion de la souillure, tu n'aimes pas que ton vêtement soit souillé, et par coutume, qui est ma'ruf, il y en a chez les gens, ta salat sera, si jamais tu pries, Inch'Allah, avec les conditions requises pour cela, sera acceptée et validée, mais tu ne seras pas récompensé quant au fait d'avoir enlevé cette souillure-là. Donc il faut savoir la condition qui est demandée dans l'amal, ou plutôt l'intention qui est demandée dans l'amal, celle qui est conditionnée, c'est dans l'ibadat alati hiya ma'mur bil fi'l, celle qui est demandée de faire. As-salat, al-hajj, as-siyam, ila akhirih. Ceci est demandé. Gaza l'écart, on va le voir inchallah plus tard, lakin on a obligé d'évoquer dans les procédés. Al-muhamalat. Dans le muhamalat, mathalan adda ad-duyun, le fait de donner, de rendre la dette à quelqu'un qui t'a prêté de l'argent. Ces choses-là, c'est ma'ruf, c'est connu par, on appelle ça les muhamalat, c'est-à-dire les procédés qu'il y a entre les serviteurs. Les affaires, le business, ces choses-là, même si elles sont demandées, c'est une ribada dans le sens où Allah Azza wa Jal a demandé de faire cela, lakin c'est connu pour être des mu'amalat. Des mu'amalat. Et ces mu'amalat-là ne demandent pas une intention. C'est-à-dire que celui qui, lorsqu'il rend une dette, مثلاً, il n'a pas l'intention de s'acquitter du dépôt, c'est-à-dire de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé, et il le fait parce que c'est une personne qui est connue, qui a les valeurs de l'équité en lui-même, tu vois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait comme cela. C'est quelqu'un qui est honnête. Lorsqu'il a donné, il a rendu la dette, il n'a pas intentionné cela, c'est-à-dire de se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'on va dire qu'il faut qu'il recommence à redonner, il faut qu'il redonne la dette une deuxième fois parce qu'il n'a pas intentionné de se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal? Ceci suffit qu'il a rendu l'argent. Il a rendu l'argent, ceci suffit. Mais si jamais il intentionne, lorsqu'il rend la dette, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah Azza wa Jal, il aime ceux qui s'acquitte du dépôt de rendre la dette, il sera récompensé. Il sera récompensé. Donc, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, la thawab illa binniyah. Il n'y a pas de récompense excepté si jamais tu intentionnes. Donc, ce qui est voulu, on répète, dans l'amal, c'est al-ibadat. Al-ibadat. Il y a un farq entre al-ibadat et al-muhamalat. Tout ce qui est affaires, business, commerce et akhirihi, les procédés qui entre les gens, ça, ce n'est pas conditionné l'intention dedans. Et quand les cas parmi les ibadat, t'as celles qui sont demandées de faire et celles qui sont tarkiya. Ama tarkiya, la taftaqiru ila niyya. T'as pas besoin d'attentionner une niyya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dinu mabniyun ala al-masalihi, fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. En sens rapproché de, en français, yani de ce bayt-là, al-muallif rahimahullahu ta'ala, il a voulu évoquer dans ce bayt-là, dans ce vers, une qa'ida parmi les qa'ida du din, dans laquelle il a dit la religion, elle est établie sur le fondement d'apporter des intérêts et sur le rejet de tout ce qui peut nuire. Qu'al ad-din ou mabniyun, le din il est établi, il est fondé ala al-masalihi, fi jalbiha, il est fondé sur le, il est établi sur le fondement d'apporter les intérêts pour l'ibad, fi dunya wal-akhira. Wa qala wad-dar'i lil-qaba'ihi. كذلك الدين مبني على درء المقابح نعم القبائح c'est-à-dire de rejeter des choses qui peuvent nuire. القبائح c'est des choses qui sont mauvaises, même celles qui peuvent nuire aux serviteurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Cette قاعدة là, dans laquelle a évoqué ces vers-là, tamam, al-Sheikh al-Sa'di alayhi rahmatullah, elle est plus connue sous le titre de quoi? Jalb al-Masalih wa Dar al-Mafasid. Jalb, c'est-à-dire apporter. Tamam. Jalb, c'est le fait d'apporter. Jalb al-Masalih, al-Masalih, ce sont les profits, les intérêts. C'est-à-dire d'apporter les intérêts pour l'ibad, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et kadalika, wa Dar al-Mafasid. C'est-à-dire rejeter tout ce qui va nuire au ibad dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Cette qaïda-là, c'est une qaïda qui est des plus importantes parmi les qawa'id naham al-fiqhiyya. C'est une qaïda qui est mustanbata kulliya, mustanbata, qui est déduite. Dans l'énoncé de la qaïda n'est pas l'énoncé d'un hadith ou bien d'une ayah parmi les ayats du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laquelle elle a été déduite, comme on va l'évoquer, du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et kathalika al-ijma'ah, yani il est établi sur naam, que cette qaïda-là elle est mise en vigueur, elle est naam, valide dans tous ses états. C'est-à-dire c'est une qaïda qui est quoi? Absolue, kulliya, qui ne souffre pas d'exception. Donc là ça fait deux qaïda qu'on a pu voir qui sont kulliya mustanbata, tamam, al-a'mal bin niyat ou al-umur bi maqasidha. Et la deuxième c'est quoi? Jalb al-masalih wa dar al-mafasid. Jalb al-masalih wa dar al-mafasid. Dar, c'est comme si j'avais utilisé rad al-mafasid. Ce qui est voulu dans le verset, plutôt dans le vers, l'il-qaba'ihi, c'est quoi? Al-mafasid. Wa dar il-mafasid. Il aurait pu dire al-mafasid, lakin il a voulu rimer. C'est-à-dire comme le premier texte, il se finit par al-masalihi. Donc pour que la rime soit elle, il n'a pas dit al-mafasidi, lakin il a ramené un synonyme de al-mafasid qui est al-qaba'ih, afin que la rime assane, tamam. Donc ce qui est voulu par al-qaba'ih, c'est al-mafasid. Les adilla qui nous prouvent cela, que cette qa'ida, comme l'a évoqué Cheikh Al-Fawzan, pour qu'elle soit considérée comme une qa'ida, il faut qu'elle soit bâtie sur les deux lumières, le kitab et la sunnah. Amma al-kitab, faqalu subhanahu wa ta'ala, inna allaha ya'muru bil adali wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون وتفكرون. Dans cette aya là, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a certes ordonné, lorsqu'il ordonne, il ordonne par équité et bienfaisance, et il nous a ordonné de donner la zakat, plutôt ita' al-qurba, de donner aux proches, et il a interdit, lorsqu'il interdit, an al-fahsha wal munkar wal baghi, de la turpitude, de l'acte qui est répréhensible, et kadhalika de al-bari, c'est-à-dire la transgression. Dans cette ayat-là, les ulama, ils en ont déduit de cette ayat-là, la qa'ida qui est quoi? Ad-dinu ja li jalb al-masalih wa dar al-mafasid. La religion est venue pour apporter les intérêts mondains et religieux, et dans la vie d'ici-bas, dans l'au-delà, et pour rejeter tout ce qui va nuire dans le din ou bien dans leur dunya des serviteurs, que ce soit dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Par quel point ils ont déduit cela? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan ». Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne par l'équité et kadhalika par la bienfaisance. Tamam? C'est-à-dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne une chose, c'est pour qu'on tire des profits dans cela. Car ça a été, cet ordre-là, il est bâti sur quoi? Sur l'équité et la bienfaisance. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt, il y a un profit pour le serviteur. C'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne une chose, que ce soit une recommandation ou bien une obligation, il faut qu'on sache à travers cette qaïda là que tout ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne, il est basé sur l'équité et la bienfaisance. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt et un profit pour le abd, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, dans les affaires religieuses ou bien dans les affaires qui sont mondaines. Et kadhalika, lorsqu'il interdit une chose, l'interdiction de ces choses-là, c'est que parce que ces choses-là, ces choses qu'il a interdites, elle est bâtie sur quoi? La turpitude, une chose qui est répréhensible, et qu'à les cas qui est quoi? Qui a dedans une transgression. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une nuisance, tamam? Il y a une nuisance dans cela, tamam? Il y a un méfait dans cela. Il y a un méfait dans cela, que ce soit un méfait religieux, mondain, dans la vie d'ici-bas, ou bien dans l'au-delà. Cette qaïda-là, elle est vraiment avrime, parce qu'elle te permet de comprendre sur quelle valeur tourne l'ordre et l'interdiction religieux. Il tourne autour de quoi? D'un profit pour les ibad, et kadhalika de rejeter le fait qu'il soit mondain ou bien qu'il soit religieux. Kadhalika parmi les adillah qui prouve cela, قال subhanahu wa ta'ala, قل أمر ربي بالقسط, dit Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt ton Seigneur a ordonné la justice. C'est-à-dire lorsqu'il ordonne une chose, il interdit son contraire, qui est quoi? L'injustice. Donc toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, que ce soit recommandation ou bien obligation, tamam, il est basé sur quoi? La justice. C'est-à-dire que ça sera un profit pour celui qui l'aura appliqué, que ce soit une recommandation ou pas. Et si jamais il n'a pas, s'est pas acquitté de cela, ceci sera quoi? Une injustice qui sera faite à lui-même, c'est-à-dire qui sera apporté à lui-même un méfait, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou bien dans l'au-delà, dans la religion ou bien dans les affaires qui sont mondaines. كَذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ قَالُوا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. دي على سبحانه وتعالى interdit الفواحش, تمام, لا perversion, ما ظهر منها وما بطن, qu'elle soit apparente ou bien dissimulée, ou l'ithm, le péché, ou l'barre, la transgression, ou an tushrikum billahi ma lam yunazzil bihi sultana, que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala, tamam, ou que vous dites sur Allah subhanahu wa ta'ala, vous forgez sur Allah subhanahu wa ta'ala des choses qu'il n'a pas dites. C'est-à-dire que le ulama, on en déduit, pour mettre en avant cette qa'ida là, qui est jalb al-musalih wa dar al-mafasid, pour nous dire que toute interdiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite, tamam, elle tourne autour de ces cinq choses-là. Soit c'est une turpitude, qu'elle soit apparente ou bien dissimulée, soit c'est un péché, soit c'est une transgression, soit c'est du shirk, ou soit c'est du kadhib à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une chose qui va être quoi? Un méfait pour toi. Si jamais tu rentres dans ces interdictions-là, ça sera un méfait, tamam, qui va revenir sur toi dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et que ce soit même religieux ou bien que ce soit parmi les affaires qui sont mondaines. Donc c'est adillala. Et كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما جئت لأتم نعم مكارم الأخلاق. J'ai été envoyé pour compléter et parfaire les nobles caractères. J'ai été envoyé pour compléter les nobles caractères. Donc كذلك, ceci nous prouve que lorsque le fait que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a été envoyé avec cette religion là, laquelle qui est basée sur des ordres et des interdictions, il a été envoyé afin de compléter, les nobles, le comportement qui est noble. Donc ceci nous prouve que ce dîn-là, il est venu pour quoi? Pour un profit, pour un profit et pour un intérêt pour les serviteurs dans ses ordres, et pour le repousser de tout ce qui va les nuire et les méfaire dans les interdictions. Donc ça, c'est l'adilla qui nous prouve la véracité de cette qaïda-là, et que c'est une qaïda qui est quoi? Kulliya, qui ne souffre pas d'exception. Cette qaïda-là, c'est l'une des plus importantes parmi les qawa'id fi din, même c'est la plus importante. Hatta ils ont dit, certains des ulama, lorsqu'ils sont venus pour dénombrer les qawa'id yani al-fiqhiyya fi din, ils ont dit quels sont le nombre de ces qawa'id là. Certains ils ont dit c'est de tel nombre ilakhirihi, d'autres ils ont dit en vérité cette qawa'id, ou plutôt les qawa'id, le nombre de ces qawa'id fiqhiyya, elle tourne autour de quoi? Une seule qawa'ida, qui est quoi? Celle qu'on a évoquée, jalb al-masalih wa dar'il mafasid. Pourquoi? Parce que toute qaïda qu'on a pu voir, ou plutôt qu'on va voir, Inch'Allah, ou celle qu'on a vue précédemment, tamam, elles ne sont pas exemptes de tourner autour de quoi? D'un ordre ou bien de quoi? Une interdiction. Allah subhanahu wa ta'ala a certes ordonné de quoi? D'intentionner pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِسِنَ لَهُدِّينَ أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِسِ. Et l'akhirihi, parmi les ayats qui montrent cela, que l'intention qui est vouée pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qui est demandée. Donc c'est un ordre. Donc c'est-à-dire, pour nous dire, c'est pour qu'on puisse y en cerner mieux, que toutes les qawa'id qu'on va évoquer, et celles qu'on a pu évoquer auparavant, elles tournent tous autour de quoi? De cette qaïda-là, qui est quoi? Na'am jalb al-masalih wa dar al-mafasid. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas exemptes de tourner autour de quoi? D'un ordre ou bien une interdiction. Si jamais c'est un ordre, donc il est venu pour apporter et donner un profit aux ibad et un intérêt. Si jamais c'est une interdiction, c'est afin qu'ils évitent de se nuire à eux-mêmes dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, que ce soit dans les affaires mondaines ou bien religieuses. Donc lorsqu'on te demande quel est le nombre des qawa'id al-fiqhiyya, tu dis elle tourne autour de une, qui est quoi? Jalb al-masalih wa dar al-mafasid. Pourquoi? Parce que toute qaïda n'est pas exemple de tourner autour d'un ordre ou bien d'une interdiction, qui sont les pivots de cette qaïda-là, qui sont les deux piliers de cette qaïda-là. On va procéder à l'explication des termes utilisés dans cette qaïda-là. Après avoir évoqué les adillas qui prouvent cette qaïda là, après avoir évoqué quelle est cette qaïda là, l'importance de cette qaïda là, on va évoquer les termes qui sont utilisés dans la qaïda. Al-jalb, yani jalb al-masalih wa dar al-mafasid. Jalb, comme on a pu voir, c'est le fait d'apporter une chose. Al-masalih, c'est le jam' de maslaha, qui est dit en français par un intérêt et un profit. Et al-mafasid, c'est tout ce qui peut nuire et améfaire, tamam, qu'il soit dans le religieux, comme on a dit, qu'il soit mondain, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Al-masalih, comme al-mafasid, tanqasimu ila qismayn. Al-masalih, al-mafasid, il se divise en deux. T'as des maslaha qui sont quoi? Khalisa. Et t'as des maslaha qui sont quoi? Rajiha. T'as des mafasid qui sont quoi? Mafsadatun khalisa. Et mafsadatun qui est quoi? Rajiha. Maslaha al-khalisa, c'est celle qui est à 100% un intérêt. Donc tu ne vas pas trouver un seul pourcent de méfait. Pour ça qu'ils ont dit khalisa, qui est pur, qui est un intérêt, et un complet. Un intérêt qui est complet, 100%. Al-rajiha, maslahatun rajiha, c'est celui dont l'intérêt, il a été, c'est la maslaha, l'intérêt dans lequel tu vas trouver un méfait. Là, l'intérêt, il est beaucoup plus grand que le méfait. Il est beaucoup plus grand et plus important que le méfait. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé maslahatun rajiha. Même si jamais tu y trouves un méfait, certains méfaits dedans, lakin ces méfaits-là, ils sont infimes par rapport aux multiples yani, profits et intérêts que tu vas trouver dans cette même chose-là. C'est-à-dire une même chose, tu peux y trouver un méfait et un profit, lakin le profit, il est beaucoup plus nombreux et important que le méfait qui est, lui, infime. Comment on appelle ce genre de choses-là? C'est appelé maslahatun rajiha. Maslaha, pourquoi? Parce que le profit, il est plus nombreux. Rajiha, pourquoi? Parce qu'on y trouve un méfait, lakin qui est infime, qui a été prévalu, ou plutôt que le profit a été prévalu sur lui. Si on pourrait dire ça, un profit qui est prépondérant. Un profit et un intérêt qui est prépondérant dans lequel tu trouves un méfait, lakin il est infime. Kathalika al-mafsada. Le méfait, il peut être khalis, il peut être kathalika rajih. Khalis, tu ne trouves pas dedans, yani le seul pourcentage de quoi? De profit. Et rajih qui est prépondérant, c'est-à-dire le méfait est prépondérant dans lequel tu as trouvé un profit, lakin ce profit-là, il est infime par rapport à la quantité du méfait que tu trouves dans cette même chose-là. Pour citer des exemples, afin que نعم توضح المقال, afin d'éclaircir ce qu'on a pu dire. مثلاً, parmi les masalih qui sont quoi? Qui sont khalisa, at-tawhid, tamam, as-sidq, le fait d'être sincère. At-tawhid, c'est une chose qui est, c'est une maslaha, c'est un profit religieux et même mondain qui ne souffre pas d'exception. C'est-à-dire que tu vas trouver dans Tawhid, il est khalis. Tout ce que tu trouves dans Tawhid, c'est que des profits, c'est que des intérêts. Il n'y a pas dans Tawhid un méfait, abadan. مثلاً المصلحة الراجحة مثل الجهاد. الجهاد, c'est un profit prépondérant, dont le profit il est beaucoup plus nombreux que le méfait. Tu peux trouver dans le jihad un méfait qui est quoi? Une nuisance qui est quoi? Le fait de mourir. T'as même le fait de perdre, yani, une partie de ton corps, un membre de ton corps, le fait de perdre tes amis, le fait de perdre tes frères, ce sont des choses, yani, qui attristent les gens. T'as même. Donc tu trouves dedans une nuisance. Lakin, cette nuisance-là, lorsque tu la mets, tu la compares au profit que l'on trouve dans le jihad au fi sabilillah, qui est i'la kalimatillah et naham isfal kalimat al-kuffar, ce profit-là, plutôt cette nuisance-là qui est infime, cette nuisance-là qui est comptée et qui est présente dans le jihad, elle sera comptée comme infime et même elle ne sera pas prise en considération. Pourquoi? Parce que le profit et l'intérêt qu'il y a dans le jihad, il est beaucoup plus grand que le fait d'avoir perdu un membre et l'akhirah, hein, perdu un membre ou bien perdu quelqu'un, en vérité, qui n'est pas vraiment une nuisance, parce que si jamais tu l'as perdu, fils abilillah, cette personne-là ou bien ton membre, c'est un intérêt que tu vas retrouver dans la bilisib al-Allah, c'est une chose qui est triste, dans laquelle les gens, yani, ils y trouvent une douleur, ils y trouvent une douleur, le fait de perdre ta femme, le fait de perdre ton frère, le fait de perdre tes enfants, et l'akhirah, c'est une chose qui, dans laquelle tu y trouves une douleur. Cette nuisance-là, elle est trouvée dans le jihad, lakin, si jamais on la compare par rapport à l'intérêt qui est trouvé dans le jihad, on va voir qu'elle est infime et qu'elle n'a vraiment pas d'intérêt. Elle n'a pas de considération. Elle n'est pas prise en considération, lakin, elle est mojouda, elle est présente. C'est pour ça qu'on l'appelait maslahatun rajiha, qui est prépondérante. Al mafsadatun al khalisa, qui est pure de méfaits, dans lequel tu ne trouves pas 1% de bien, mafsal al shirk wa al kadhib ila akhirih. Am al shirk ma'ruf, il n'y a pas d'intérêt dans le shirk. Inna al shirk la zulmun azim, comme qala subhanahu wa ta'ala, c'est une grande injustice. Am al kadhib, on a pu voir que le kadhib yanqasimu ila aqsam, tu peux l'utiliser pour d'autres termes. Là, ce qui évolue ici, c'est celui qui a été le fait de forger des mensonges. Le fait de forger des mensonges, ça c'est une chose qui a quoi ? Il n'y a aucun intérêt dans le fait de mentir. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « وَإِنَّ الْكَذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ » Hadith ibn Mas'ud, muttafaqan alayhi. Le mensonge y mène à la turpitude amène en enfer. C'est une chose dans laquelle tu ne vas pas trouver le moindre pourcentage d'intérêt et de profit dans le fait de mentir. Al mafsadatu, le mafa qui est prépondérant, c'est lequel, dans lequel tu vas trouver quoi ? Un intérêt. Comme tu vas trouver un intérêt, là, qui cet intérêt-là, lorsque tu vas le comparer au mafa qu'il y a dedans, il va vraiment être infime et il va être inconsidéré. Comme le fait, comme c'est le cas du khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul feehima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande, il te questionne au sujet des jeux de hasard et du khamr. Dis-leur que c'est un péché. C'est un grand péché. Tu vas trouver dedans un grand péché, c'est-à-dire un méfait. Et tu vas trouver dedans quoi ? Un profit, c'est-à-dire que les gens, par cela, ils peuvent faire un commerce. Et hatta, yani, ça a été connu yani, à l'époque, ils se soignent avec cela. Lakin, la yajouz at-tadawi bil muharram. C'est pas pour cela qu'on a le droit de prendre le khamr. Pourquoi ? Pour se soigner. كما قال سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله دواء امتي فيما حرم عليهم. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas placé dans le haram une chose par laquelle tu peux te soigner. Même si jamais les médecins parmi les koufars ils prétendent que dans le vin il y a des vertus par lesquelles tu peux te soigner, lakin ce profit que tu vas trouver pour te soigner, il se cache derrière cela un méfait qui est beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit فيهما إثم كبير ومنافع للناس. Il y a dedans un grand méfait, تمام, et il y a كذلك des profits. لكن أشقالا وإثمهما أكبر من نفعهما. C'est pour ça que il n'a pas été considéré comme quoi, maslaha, comme profit. Pourquoi? Parce que le méfait qui est trouvé dans le khamr, مثلاً, il est beaucoup plus grand que l'intérêt que tu peux y trouver dans le commerce ou bien dans la médecine et l'akhirah, تمام. Donc ça s'appelle quoi? Des mafasides qui sont quoi? Rajiha, qui sont prépondérants, dans lesquels tu vas trouver un intérêt, lakin qui est infime. Un intérêt qui est infime. Et ça, c'est important de connaître ces choses-là. Parce que des fois, tu vas pouvoir, certaines personnes, ils vont prétendre des intérêts. Lorsque tu vas le mettre dans le mizan, dans la balance du kitab de la sunna, tu vas voir que dans cet intérêt-là, cet intérêt qui a été prétendu, il y a beaucoup de quoi? De méfaits. Donc, quelle est la chose par laquelle tu vas pouvoir juger que cet intérêt qui a été prétendu, il est haram? Cette qaïda là, cette qaïda là, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'ordonne pas une chose dans laquelle le méfait il est plus grand que quoi ? Que l'intérêt. Dans lequel le méfait il est plus grand que l'intérêt. Donc ça c'est une balance, un grand mizan qui va te permettre de pouvoir considérer les choses qui sont vraiment des intérêts religieux et les choses qui sont des méfaits dans la religion. Le fait de connaître cette qaïda là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il ordonne une chose, soit il l'ordonne parce que c'est un intérêt total, ou bien c'est un intérêt qui est quoi? Prépondérant. Ou lorsqu'il interdit une chose, c'est soit une interdiction dans laquelle il y a un méfait qui est total, ou bien un méfait qui est quoi? Prépondérant. Donc ça c'est un mizan, kabirun, une grande balance qui va te permettre de pouvoir rejeter les choses qui sont des méfaits, qu'ils soient total ou prépondérants, et d'accepter les choses qui sont quoi? Des intérêts qui soient total ou prépondérants. Certains des ulama, ils ont évoqué une mas'ala, ils ont dit, y a-t-il une cinquième catégorie? Ce qu'on a pu évoquer, quatre catégories. Un bienfait prépondérant et un bienfait total, un intérêt, un méfait prépondérant et un méfait qui est quoi? Total, donc ça fait 4. Certains ils ont dit, est-ce que c'est possible de trouver une chose dans laquelle il y a un bienfait et un méfait? Et les deux, tu peux pas faire prévaloir du méfait et de l'intérêt l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont 50-50, quand même 50-50. Tu peux pas faire prévaloir l'un à l'autre. Est-ce que ça existe ce genre de choses-là, dans lequel l'intérêt et le méfait, ils sont pareils? Ils ont dit ça n'existe pas. C'est soit le méfait, il est prépondérant, ou bien soit l'intérêt, il est prépondérant sur l'autre. Ah, mais on trouve une chose qui est 50%, ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas, ce genre de choses-là. Soit c'est un méfait, ou soit c'est un intérêt. Total, prépondérant, méfait total ou prépondérant, la quienne c'est obligé l'un des deux. On ne trouve pas une cinquième catégorie. Ceux qui prétendent cela, il a prétendu une chose qui n'existe pas. Et parmi les fawaïd, ça fait combien de temps? 50 minutes. Parmi les fawaïd de cette qaïda là, c'est qu'elle va permettre au serviteur, après y en a qu'il puisse y en a juger quel est l'intérêt et quel est le méfait, car cette qaïda là sera une grande balance pour lui. Kedalika, c'est un grand profit pour lui, qui va lui permettre d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala de la soumission qui est totale. C'est-à-dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui ordonner une chose, ou va lui interdire une chose, kadhalika le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit d'une manière générale, va interdire ou bien va ordonner une chose, il va se plier en pleine soumission à cet ordre-là, que ce soit une interdiction, ou bien que ce soit un ordre. Pourquoi? Parce qu'il saura que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui ordonne une chose, il sait que cet ordre-là, il est établi et il est basé sur quoi? Un intérêt. Cet intérêt-là, il peut être prépondérant ou bien total. Lakin, il sait que c'est un intérêt pour lui dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a pu voir, قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne la justice. Une chose qui va être un profit pour toi dans la vie ici-bas et dans l'au-delà, que ce soit mondain ou bien religieux parmi les intérêts et les profits. Donc il saura directement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien lorsqu'il appelle à acquitter et accomplir une chose, c'est-à-dire à s'acquitter et accomplir une chose. Et kadhalika, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui interdire une chose, même si jamais les gens prétendent qu'il y a un intérêt dedans, il va savoir que cet intérêt-là, même si jamais il est présent, c'est un intérêt qui est infime par rapport au méfait qui s'y trouve. Il va savoir que c'est un méfait qui est prépondérant, même si jamais il est prétendu qu'il y a à l'intérieur de ceci un intérêt. Il va savoir que c'est un intérêt qui est quoi? Infime, qui n'a pas, qui est inconsidéré dans la religion. Pourquoi? Parce que le méfait, il est beaucoup plus grand. Et kadhalika, ça va le permettre de quoi? De ne pas attendre pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il ordonne ou il interdit une chose, de savoir quelle est la sagesse de cette interdiction-là, ou bien de quoi? De cet ordre-là. Parce qu'il sait qu'il est basé, sur quoi? Sur des intérêts, et kadhalika, pour nous mettre à distance des choses qui vont nous nuire dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc il ne va pas se limiter et se restreindre lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne une chose ou l'interdit, à savoir quelle est la raison. Quelle est la raison de cette interdiction-là, ou bien la sagesse de l'interdiction, ou la sagesse de l'ordre. Et ça, c'est une chose qu'on peut remarquer chez certains, parmi les serviteurs. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une chose, il dit, lakin, pour quelle raison ça a été ordonné? Cette qaïda-là, elle enlève cette attitude qu'il faut rejeter, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit soumis à Allah subhanahu wa ta'ala comme l'était Ibrahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes ordonné au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam de suivre la religion d'Ibrahim, qui est la religion de la soumission, qui m'a dit subhanahu wa ta'ala summa awhayna ilayka an ittabi' millat Ibrahim hanifa. Puis on t'a révélé de suivre la religion d'Ibrahim, la religion qui est quoi? La religion de la soumission. Parmi les preuves qui nous prouvent cela, que le serviteur, le véritable serviteur, c'est-à-dire on est musulman. C'est quoi le musulman? C'est celui qui est soumis. L'islam, c'est la soumission. Lorsqu'on se dit musulman, c'est être soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ouli l'amr minkum. Lakin, ce qui est voulu là, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma ouli l'amr, c'est si jamais leur ordre il correspond à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, on leur obéit, sinon on ne leur obéit pas. Lakin, la pleine obéissance et la soumission, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Parmi la dilla là qui nous montre qu'on doit être soumis, parce qu'on est des musulmans, donc on se doit de se soumettre, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et l'agré, qawluhu subhanahu wa ta'ala fi hikayati Ibrahim. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté le récit d'Ibrahim avec son fils Ismaïl dans surat As-Saffat. قال الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Lorsque Ibrahim a dit à son fils Ismaïl عليه السلام, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, c'est-à-dire Ismaïl, Ibrahim lui dit, ô mon fils, je vois dans les rêves que je suis en train de t'immoler. vois donc ce que tu en penses. Yani, qu'est-ce que tu en penses de cela? Il dit, yani, Ibrahim, Ismaïl, oh mon père, fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. Tu me trouveras certes, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala le veut, parmi les endurants. ثم قال سبحانه وتعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنك ذلك نجزي المحسنين. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il le jeta au sol afin de l'égorger, Allah subhanahu wa ta'ala l'appela et lui dit, tu t'es certes soumis à ce que je t'ai révélé dans les rêves, c'est-à-dire de dégorger ton fils. Ibrahim s'est-il posé la question lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui a ordonné d'égorger son fils, quelle est la raison pour cela? Là, il s'est plié totalement à la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala et il lui a obéi. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne une chose, c'est pour un intérêt. Là, quel était l'intérêt? C'est de voir que est-ce que vraiment Ibrahim sera soumis à l'ordre. C'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, lorsqu'il a ordonné, véritablement que son fils soit égorgé. Mais pour voir à quel point Ibrahim est soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne s'est pas restreint afin de l'obéir, de demander à son Seigneur, pour quelle raison m'as-tu demandé de faire cela? Il s'est soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le din, lorsqu'il ordonne une chose, c'est pour un intérêt, qui est soit total ou bien prépondérant. Kaza l'ekal lorsqu'il interdit une chose. Donc ça c'est parmi les grandes fawaïdes de cette qa'ida là. Elle te permet d'être yani, quelqu'un totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'attend pas de savoir quelle est la sagesse de l'ordre ou bien de l'interdiction, afin qu'il s'acquitte ou bien qu'il accomplisse l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné. Et ça c'est une chose qui est vraiment importante, car on a été créé afin de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, comme qu'a dit Jalla wa Ala, wa ma khalaqatul jinn wal insa illa liya'budun. Et ma'ruf al-ibada, c'est comme qu'a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est c'est-à-dire que tu sois soumis et humilié à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa fil hadith al-qudsi qala Allah jalla wa ala khalaqtu 'ibadi kulluhum hunafa, j'ai créé mes serviteurs dans la nature qui est à ce qu'ils me vouent l'adoration en toute exclusivité, c'est-à-dire qu'ils se soumettent totalement à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid. Donc cette qaida là, elle est basée kazalika sur ces adillah là, qui montre la pleine soumission là, car lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager les ordonnent une chose, c'est pour un intérêt, c'est pour un intérêt qui soit total ou prépondérant. Donc Inch'Allah on va se contenter de cela, et comme on a dit, Inch'Allah on reprend les cours après le vendredi qui suit, ayyam at-tashriq. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala kazalika an yataqabbal minna a'malana fi hadhihi al-ayyam al-mubaraka, ce jour de vendredi, yawm arafa, un grand jour parmi les jours de l'année. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte nos œuvres, et kadhalika al-udhiya, et inshallah tabarak wa ta'ala on poursuivra la suite de l'explication de ce qawa'id là al-nafi'a al-jami'a qawa'id al-fiqhiya l'imam al-sa'di alayhi rahmatullah de vendredi prochain, tamam, inshallah. Et ça c'est pour tous les cours, les cours et les conférences, c'est-à-dire la prochaine conférence elle aura lieu jeudi prochain, pas ce jeudi là pas le jeudi à venir, laquelle le jeudi prochain. Kazalika, pas ce dimanche-là, il y aura une conférence sur une Beylux, laquelle le dimanche qui va suivre demain. Donc les cours, Inch'Allah, ils reprendront à partir de vendredi. Wa iyyakum Inch'Allah. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa an yarzuqana 'ilman yanfa'ana wa yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallim lahum wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. Tafaddalu, jazakumullahu khairan. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. مع تحية دماج.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.